Dossier 3, livre page 32. Mini-dialogue 1, entre Pierre et Karim. Pierre, c'est quand ton anniversaire ? Je suis né le 31 juillet. C'est en été. Mini-dialogue 2, entre Mireille et sa sœur. Marie, on sonne à la porte. Va ouvrir. Quelqu'un m'a donné une carte d'invitation. Tu peux la lire, s'il te plaît ? Chère Mireille, mon anniversaire, c'est le samedi 23 janvier. Je t'invite à venir chez moi. La fête commence à 5 heures. Rania.